ne m'attends pas. Tes yeux te suivent et me comprennent. Viens, je t'en prie. Un beau nuage et de la pluie pour ton Yeah.